Bon, je voulais tout d'abord remercier Nicolas et le Centre de recherche du Château de Versailles pour cette invitation. Alors, le thème de cette journée d'études, c'est l'histoire du siècle de Louis XIV. Mais pour mieux comprendre le statut de cet ouvrage dont Diego Venturino vient de nous offrir une édition critique des plus utiles et d'une qualité scientifique sans égale, il serait intéressant de suivre cette histoire dans sa continuité, dans l'ouvrage qui prend la relève de l'histoire du grand siècle, à savoir le précis du siècle de Louis XV. Tout comme les sujets respectifs de ces deux ouvrages, le siècle et le précis, sont, comme nous allons le voir, de la même famille. En effet, il ne serait pas faux de dire que le précis est non seulement une continuation du siècle de Louis XIV, mais plutôt son arrière-petit-fils, avec tout ce que ce mot implique de caractéristiques génétiques partagées et de position au sein d'une grande famille d'ouvrages historiques. L'intérêt principal de mon intervention est donc de discuter du précis du siècle de Louis XV au sein de l'œuvre historique voltairienne, en mettant en parallèle analyse génétique, thématique et chronologique de la rédaction de ce texte, pour mieux cerner son statut, son intérêt et surtout ce qui nous enseigne des pratiques d'écriture de Voltaire historien. Dans une première partie, je me pencherai sur la question du statut historique du précis. Dans la deuxième, il s'agira de la nature composite de cet ouvrage. Et enfin, ma troisième partie portera sur le statut de l'histoire au sein de l'œuvre voltairienne. Alors, une question qui se pose, c'est le précis. S'agit-il d'une histoire à part entière? On ne saurait aborder cette première partie sans tenter d'entreprendre la tâche difficile de définir ce grand mot d'histoire. J'aurais pu évoquer des définitions modernes, les analyses d'Antoine Prost, le relativisme de l'anglais E.H. Carr, ou bien une florilège de citations tant anciennes que modernes sur l'historiographie. Mais je vais me borner à des définitions communes des siècles qui nous intéressent, pour juger l'histoire voltairienne à l'aune de ses contemporains. Après une définition du mot « histoire » dans son sens plus large, le dictionnaire de Furetière décrit l'histoire, grand H, ainsi, et je cite, « histoire » à l'égard des actions, se dit de cette narration véritable, suivie et enchaînée de plusieurs événements mémorables qui sont arrivés en plusieurs nations, en un ou plusieurs siècles. Le dictionnaire de l'Académie contient une définition plus courte, et je cite, « narration des actions et des choses dignes de mémoire ». Loin des soucis des structuralistes à l'égard de la narrativité et la mise en intrigue des récits historiques, la définition de Furetière insiste tout de même sur le fait que la narration historique est suivie et enchaînée, ce qui requiert un souci de cohérence chez l'historien et une absence de lacunes criantes dans son récit. De même, la définition de l'Académie souligne surtout un élément clé, que les choses racontées soient dignes de mémoire. La hiérarchisation des faits historiques est donc le critère majeur. Or, à la différence de son histoire de Charles XII ou de l'histoire de l'Empire de Russie, le précis ne porte pas le titre d'histoire. Voltaire a effectivement tendance à utiliser d'autres titres pour ses ouvrages historiques. Son histoire de la civilisation est un essai sur l'histoire générale. Son histoire du grand siècle ne se rêvait pas non plus du titre d'histoire. Mais, à vrai dire, à côté de ses derniers chefs-d'œuvre, d'une ambition et d'une envergure très importante, le précis du siècle de Louis XV fait piètre figure, à commencer par son titre. Selon Furetière, le mot précis veut dire sommaire, mais aussi substance. Un précis, c'est, et je cite, un abrégé de ce qui est de plus essentiel, le plus important dans une affaire, dans une science, dans un livre. Le dictionnaire de l'Académie reprend la définition presque telle qu'elle, sans se soucier de cacher le plagiat. Les ouvrages voltairiens portant le titre de précis sont au nombre de 5, dont 2 représentent des sommaires d'autres ouvrages, 2 autres résument des sujets soit généraux, soit spécifiques. Enfin, le précis du siècle de Louis XV se présente, d'après son titre, non comme une histoire du règne de ce roi, mais comme un résumé de cette histoire, comme l'essentiel, l'important de cette période. Mais dans ce précis, s'agit-il vraiment de l'essentiel, des aspects les plus significatifs de la période? Pour répondre à cette question, il faut décrire brièvement le contenu du texte. Alors, de manière générale, on pourrait diviser les 43 chapitres du texte en 6 parties en fonction des thèmes abordés. Alors, dans les chapitres 1 à 4, dans cette première section, il s'agit d'un survol très général de la période entre la mort de Louis XIV en 1715 et la mort de l'empereur Charles VI, cette dernière déclenchant la guerre de succession d'Autriche en 1740. Puis, il y a la section entre les chapitres 5 et le chapitre 23. C'est la partie la plus importante du texte qui décrit, souvent dans les détails, la guerre de succession d'Autriche. Pour l'essentiel, c'est le texte peu remanié de l'histoire de la guerre de 1741, rédigé par Voltaire entre 1745 et 51, publié en édition piratée en 1755, mais désavoué par Voltaire comme texte estropié. La section suivante, c'est cette section entre le chapitre 24 et le chapitre 31, des chapitres parfois très spécifiques, parfois assez généraux sur d'autres événements importants qui se sont produits aux années 1740, mais au-delà du contexte spécifique de la guerre, dont les malheurs de Bonnie Prince Charlie, les réussites maritimes des Anglais, etc. Puis, il y a une section, les chapitres 32 à 35, sur la guerre de 7 ans. Ensuite, la section entre les chapitres 36 et 41, des chapitres variés sur le gouvernement en France, chapitres 36, 37, 41, les relations entre la papauté et les monarchies européennes, 38, 39, et la guerre civile en Corse, chapitre 40. Enfin, il y a les derniers chapitres, 42 et 43, une dernière section sur les lois, les arts et les lettres en France durant le XVIIIe siècle. C'est dans une certaine mesure une version contemporaine des chapitres 40 à 44 du siècle de Louis XIV, sur les progrès de la société française, mais cette fois-ci à une échelle moindre. Alors, la question qui se pose donc est la suivante. Voltaire focalise-t-il sur l'essentiel? Bien entendu, il faut se garder d'adopter l'optique de l'historien du XXIe siècle, qui s'intéresserait peut-être aux grandes figures d'autorité politique. Il y a en effet assez peu sur Fleury, leur influence sur le gouvernement du royaume. Voltaire ne fait même pas mention de la structure conciliaire du gouvernement sous la Régence, aux évolutions économiques, il y a très peu de références, aux changements sociaux, etc. Une partie importante du texte, comme je l'ai déjà dit, ce sont les enjeux diplomatiques et les récits de guerre. Mais ce qui est à noter, c'est l'incohérence de cet accent sur les récits de guerre au niveau du texte dans son ensemble. Ce manque d'équilibre en ce qui concerne la façon dont on traite de ces récits-là, se voit par exemple lorsqu'on rapproche le récit de la guerre de succession de Pologne et celui de la guerre de succession d'Autriche. Pour ce qui est de la première, à part une tentative échouée de soutenir le roi Stanislas, qui s'était retranché dans la ville de Danzig, assiégée par les Russes en 1734, les troupes françaises livrent la bataille aux forces de l'Empire, surtout au bord du Rhin et en Italie, le plus important théâtre de la guerre. Voltaire se borne toutefois à quelques phrases pour rendre compte de toutes les batailles de cette guerre. Une armée de Français fut maîtresse de la campagne sur le Rhin, et les troupes de France, d'Espagne et de Savoie, jouant ensemble, furent les maîtresses de l'Italie. Le maréchal de Villars, déclaré généralissime des armées françaises, espagnoles et piémontaises, finit sa glorieuse carrière à 82 ans, après avoir pris Milan. Le maréchal de Coigny, son successeur, gagna deux batailles, tandis que le duc de Montmartre, général des Espagnols, remporta une victoire dans le royaume de Naples, à Bitonto, dont il eut le surnom. Et c'est tout. Au même chapitre, il dédie toutefois un développement important à l'attaque de Danzig, où le téméraire comte de Plélo, ambassadeur français au Danemark, périt. Voltaire va jusqu'à citer les dernières paroles pathétiques de ce malheureux diplomate, et je cite, « Je suis sûr que je n'en reviendrai pas. Je vous recommande ma femme et mes enfants. » Le récit de Plélo est d'autant plus étrange qu'il rompt avec l'ordre chronologique des événements, respecté pour la plupart dans le reste du chapitre. Si on compare ce résumé de la guerre de succession de Pologne à celui de la guerre de succession d'Autriche, on est frappé par le manque d'équilibre. Dans les chapitres sur cette dernière, Voltaire rentre toujours dans les détails minutieux des enjeux stratégiques et des batailles. En fait, même les titres de certains chapitres sur la guerre de 1741 sont aussi circonstanciés que les descriptions fournies dans d'autres chapitres. Je pense surtout au chapitre 12. Le roi de France est à l'extrémité. Dès qu'il est guéri, il marche en Allemagne. Il va assiéger Fribourg, tandis que l'armée autrichienne qui avait pénétré en Alsace va délivrer la Bohême et que le prince de Conti gagne une bataille en Italie. Ce n'est que le titre. Ce déséquilibre est d'autant plus incohérent qu'il se trouve dans un ouvrage qui se présente comme un précis de tout un siècle. Certes, on pourrait dire que ce que je viens de taxer de déséquilibré est tout simplement un choix voltairien, fait en fonction d'une hiérarchie de faits qui correspond à son interprétation de son propre siècle. Il faut admettre que, dans certains cas, ceci pourrait être vrai. On sait, par exemple, que le comte de Plélo fut également un homme de lettres, un adepte de Voltaire, et que Voltaire place son initiative audacieuse, jugée d'ailleurs très imprudente par d'autres, comme le comte d'Argenson. Il les place sous le signe de l'héroïsme, d'où un développement important qui assure la postérité de son nom. Le déséquilibre apparent serait donc volontaire et par conséquent une marque de l'originalité voltairienne. Mais il existe tout de même des éléments dans son histoire qui font tache dans une histoire du siècle de Louis XV. Prenons l'exemple du chapitre 27 sur l'amiral anglais George Anson. Les faits racontés dans ce chapitre sont très indépendants de tout le reste de l'ouvrage. En réalité, le voyage effectué par l'amiral Anson lors de la guerre de l'Assiento entre l'Angleterre et l'Espagne a peu de liens directs avec les enjeux de la guerre dont il décrit les détails, celle de 1741. D'ailleurs, en ce qui concerne ses conséquences pour l'évolution de la guerre, il est plutôt insignifiant, et Voltaire le sait. Il n'empêche que l'historien-philosophe contribue à assurer la postérité de cette expédition, tout comme le récit de Plélo, grâce à la place qu'il lui réserve dans son histoire. Et ce n'est pas seulement la hiérarchie des faits que l'on peut remettre en question dans cet ouvrage, mais aussi le statut historique, entre guillemets, de certains aspects. Pour ce qui est de la présence de bon nombre de chapitres qui sont vraiment des chapitres d'actualité, j'en passe, ma collègue Janet va vous parler de cela. Ce que je veux dire par le statut historique de certains chapitres est plutôt une question de genre. Prenons par exemple le chapitre 42 sur les lois sous Louis XV. Dans ma description des six sections thématiques du texte, j'ai rapproché ce chapitre au dernier chapitre du siècle de Louis XIV, où Voltaire traite du développement de la législation sur le roi Soleil. Mais à la différence de l'approche adoptée dans le siècle, le chapitre 42 du précis, qui commence par un survol historique de ce qui précède le siècle de Louis XV et se transforme après 50 lignes de texte, en une polémique qui dénonce les contrariétés des lois françaises, la pratique de la main morte, la vénalité des charges judiciaires, bref, toutes les plaintes que Voltaire ne cesse de répéter dans ses écrits polémiques des années 1760. La conclusion du chapitre, qui voit le jour pour la première fois en 1768, est encore un appel à la réforme. Nous cherchons dans ce siècle à tout perfectionner, cherchons donc à perfectionner les lois. L'analyse du thème n'est historique que dans la mesure où elle s'appuie sur l'histoire, souvent l'histoire ancienne d'ailleurs, pour étayer son argumentation pour la réforme judiciaire. Ce précis est, à vrai dire, un ouvrage non de briques et de proc, non sans cohérence, mais sans véritable fil conducteur, tant au niveau de l'approche qu'au niveau du contenu. À part, bien entendu, le fait que tous les éléments de l'histoire ont trait à une période spécifique. Pour comprendre cette approche de la part d'un historien qui est très expérimenté au moment de la parution de cet ouvrage, il faut procéder à une analyse génétique du texte, dont la rédaction s'échelonne sur une période de 30 ans. Et ce sera ma deuxième partie. À bien regarder l'histoire de la composition du précis, on se rend compte que cet ouvrage que l'on considère aujourd'hui comme une histoire à part entière, méritant un ou deux volumes dans les œuvres complètes de Voltaire, n'a pas été conçu à l'origine comme projet historique cohérent. À vrai dire, le précis est un ouvrage composite, un patchwork, issu de deux autres ouvrages dont les buts respectifs étaient assez différents l'un par rapport à l'autre. Dans cette deuxième partie, je vais démontrer que ce texte est composite, premièrement au niveau de l'ensemble du texte, qui se développe au fur et à mesure pendant trois décennies, et dans un deuxième temps, au niveau des chapitres eux-mêmes, qui, croissant par étapes, portent les traces de ce développement. Alors, si le précis voit le jour comme ouvrage à part entière en 1768, ce texte a une très longue histoire. Voltaire, on le sait, ambitionnait le rôle d'historiographe de France, autant par ses actes que par ses paroles. En avril 1745, il le devient, et après avoir chanté les louanges de Louis XV dans son poème de Fontenoy, il souhaite prendre le rôle au sérieux. L'historiographe de France prône la publication d'un ouvrage sur les campagnes de son roi. Et je cite, « J'ai envie de ne point jouir du bénéfice d'historiographe sans le desservir. Voici une belle occasion. Les deux campagnes du roi méritent d'être chantées, mais encore plus d'être écrites. Il y a d'ailleurs en Hollande tant de mauvais français qui inondent l'Allemagne d'écrits scandaleux, qui déguisent les faits avec tant d'impudence, qui parlent leur satire continuelle, écrisent tellement les esprits déjà mal disposés, qu'il est nécessaire d'opposer à tous ces mensonges la vérité représentée avec cette simplicité et cette force qui triomphe tôt ou tard de l'imposture. » Et c'est une citation d'une lettre au marquis d'Argenson. En septembre 1745, il commence son travail par un tableau de l'Europe jusqu'en 1741, qui ne verra pas le jour dans l'édition piratée de l'histoire de la guerre de 1741, publiée en 1755. Il part pour Versailles en novembre, il reste plusieurs mois travaillant d'arrache-pied pour compléter son histoire, qui comporte d'autres chapitres, des détails sur la guerre de 1741. Mais il commence à s'ennuyer, et il sait qu'il ennuie les autres avec ses récits de batailles trop complexes. Frédéric II le pousse à délaisser son histoire des campagnes de Louis XV pour qu'il se consacre à terminer le siècle de Louis XIV. Dans une lettre au roi de Prusse, il avoue sa lassitude. Il faut que la guerre soit bien, et je cite, « Il faut que la guerre soit par elle-même quelque chose de bien vilain, puisque les détails sont si ennuyeux. » Après la victoire de Lauffeldt, le 2 juillet 1747, Voltaire n'est guère plus enthousiaste comme le démontre son ouvrage Éloge funèbre des officiers qui sont morts dans la guerre de 1741, opuscule rédigé au début de 1748. La paix d'Aix-la-Chapelle, signée en octobre 1748, aurait dû favoriser la parution de son histoire de la guerre, mais la conjoncture est peu favorable à la publication d'un éloge de Louis XV. D'ailleurs, Voltaire en est conscient, même s'il n'a pas encore essuyé le refus de publication auquel il se heurtera. Après une pause de 2 mois, ce n'est qu'au printemps 1749 que Voltaire ajoute les derniers chapitres à l'histoire de la guerre de 1741, qui traite de certains aspects de la guerre dans les colonies, la prise de Louisbourg par les Anglais, celle de Madras par les Français, et le voyage autour du globe du commodore anglais George Anson, que j'ai déjà mentionné. Et ce sont les chapitres-là en bleu que Voltaire lui-même appelle ses chapitres philosophiques. Or, alors que son ouvrage est presque terminé, Voltaire comprend qu'il sera impossible de le publier. La conjoncture est d'autant moins favorable que le philosophe se voit bientôt obligé de renoncer à la charge d'historiographe pour pouvoir quitter la France. Puis, parti pour Berlin, il se tourne vers son siècle de Louis XIV, qu'il a envie de mettre à jour en y ajoutant un tableau raccourci de l'Europe depuis la paix d'Utrecht jusqu'à 1750. Mais il se garde d'y adjoindre ses travaux d'historiographe de la guerre récente. En 1751, dans la première édition du siècle, on voit son tableau de l'Europe. Alors, on voit que ce premier chapitre, Situation des affaires, est utilisé pour le chapitre 23 dans cette édition 51B, pour créer le tableau de l'Europe. Alors, en 1751, dans la première édition du siècle, on voit son tableau de l'Europe jusqu'en 1750, qui résume les événements de cette période, sans pour autant puiser dans ses sources auxquelles il avait accès en tant qu'historiographe. Une nouvelle édition du siècle est publiée en 1756, c'est la colonne à droite, qui comporte 2 chapitres qui prolongent le tableau de l'Europe. À ces chapitres s'ajoutent 7 nouveaux chapitres en bas, rédigés entre 1748 et 52, après que Voltaire s'était lassé des récits des campagnes de la guerre de succession d'Autriche, représentant sa tentative d'écrire une histoire de guerre plus intéressante, plus philosophique, ainsi que sa volonté de rédiger un ouvrage historiographique d'envergure. Dans un deuxième temps, on peut affirmer que l'inclusion de ces chapitres dans la deuxième édition du siècle de Louis XIV, qui forme la dernière partie de son essai sur l'histoire générale, démontre que Voltaire considère leurs thèmes et leurs formes comme étant particulièrement adaptés à son histoire universelle. Voltaire écrit donc 2 types d'histoires de cette guerre. La première, il ne le publie pas. Le deuxième, il dissocie du premier pour l'ajouter à un autre projet historique, le siècle, où il n'a pas forcément sa place. Par la suite, les deux parties se réunissent sous un autre titre et accompagnent encore d'autres chapitres, lesquels sont conçus de manière assez ponctuelle. Or, ce patchwork existe non seulement au niveau de l'ouvrage, mais également au niveau des chapitres où Voltaire utilise au moins 3 procédés de composition. Le premier, c'est l'intégration telle quelle de pans entiers de texte avec parfois quelques légères modifications. C'est ce que fait Voltaire pour la plupart des chapitres extraits de l'histoire de la guerre de 1741. Bien qu'il désavoue ce texte, dénonçant un texte estroupié, quand deux éditions piratées voient le jour en 1755-56, il s'appuie sur ces éditions imprimées quand il joint le texte de l'histoire de la guerre au siècle de Louis XIV pour en faire le précis. Il retranche tout de même plusieurs passages pour alléger certains chapitres dont les récits de guerre très circonstanciés risquent d'ennuyer le lecteur. Deuxième procédé, c'est le copier-coller de passages entiers et leur tissage dans un chapitre donné. Le chapitre 42, que j'ai déjà évoqué, est l'exemple le plus important de ce phénomène. La raison pour laquelle ce chapitre relève plutôt de la polémique que de l'histoire, c'est que 66%, les deux tiers du texte, sont extraits directement de deux chapitres du commentaire sur le livre des délits et des peines. Décrire l'autoplagiat chez Voltaire n'a bien sûr rien d'étonnant. Certains d'entre vous ont contribué à l'excellent ouvrage collectif Copier-coller, qui fait état de ce phénomène justement dans l'œuvre historique voltairienne. Mais dans cet ouvrage historique, le précis, caractérisé depuis ses origines par un certain bricolage, le recours au copier-coller renforce l'idée que l'élément le plus cohérent de cet ouvrage, c'est cette esthétique du patchwork. Nicolas Cronk a déjà décrit l'esthétique de l'autoplagiat chez Voltaire, mais je crois que dans le précis, on doit élargir cette idée pour parler d'une esthétique du patchwork qui pourrait comporter l'autoplagiat, mais pas forcément. Ceci se justifie surtout quand on considère un exemple de l'écriture historique voltairienne où l'autoplagiat se double de l'étoffement, et c'est le troisième procédé qu'il utilise. Le troisième type de chapitre repose sur l'idée de l'étoffement d'un texte général antérieur. Prenons l'exemple de la partie la plus ancienne du texte. Le chapitre premier du manuscrit de Leningrad. Là, en violet à gauche, le chapitre « Situation des affaires de l'Europe » et abrégé de celle de 1741. Ce texte comporte des éléments que Voltaire décrira d'une manière plus approfondie dans les éditions ultérieures du siècle et du précis. On voit ce développement. Ce chapitre sert de source pour les quatre premiers chapitres du précis. Mais Voltaire l'utilise à géométrie variable dans les quatre chapitres. Pour ce qui est du thème, le chapitre premier du précis chevauche sur le chapitre premier du manuscrit, mais aucune phrase n'y est empruntée. En effet, il n'est pas étonnant que Voltaire adopte une nouvelle approche afin de rédiger un nouveau tableau de l'Europe pour servir d'introduction à la continuation d'un ouvrage dont le but est assez différent de l'histoire de la guerre de 1741. Or, à partir du chapitre 2, Voltaire puise dans le texte même de son manuscrit, reprenant certains passages tels quels, de sorte que 10% du chapitre est emprunté. C'est une approche qui ira grandissant dans les chapitres suivants. Au troisième, 25% de la première mouture du chapitre tire son origine du manuscrit, chiffre qui baisse de 15 points au fur et à mesure des ajouts à partir de 1757. Enfin, 90% du chapitre 4, encore la première mouture, provient du manuscrit. Au total, le taux d'emprunt, si je puis dire cela dans ce contexte, s'élève à 44% pour les chapitres 2, 3 et 4. Pour le reste, il s'agit d'un étoffement des propos originels. Au lieu de repartir à zéro dans le nouveau cas de figure d'une continuation du siècle de Louis XIV, Voltaire procède par étoffement, s'appuyant souvent sur des anecdotes colorées ou des développements sur des sujets porteurs de leçons importantes, tels le système monétaire de John Law et ses retombées, les ministères du cardinal Dubois et du duc de Bourbon. Ces ajouts servent également à recentrer le tableau de l'Europe sur la politique intérieure de la France et les titres des chapitres créés à partir de l'introduction à l'histoire de la guerre de 1741 confirment cette réorientation. À la réécriture, donc, Voltaire préfère l'étoffement par l'accumulation de nouveaux faits et de nouveaux développements. On sait que Voltaire affectionne la forme brève en prose et surtout en histoire. Ces chapitres se développent donc par expansion progressive, ne trouvant leur cohérence qu'a posteriori. Et ceci est d'autant plus vrai pour le texte dans son ensemble, dont la cohérence change au gré de son évolution. C'est en mettant en parallèle l'analyse génétique et l'analyse thématique que l'on comprend mieux cette cohérence, et ce sera ma troisième partie. Alors, l'absence de cohérence a priori est un phénomène qui s'accentue à cause du fait que la rédaction du texte s'échelonne sur une assez longue période, tandis que l'objet de la recherche voltairienne est souvent très contemporain, car Voltaire prépare les parties successives du texte sur plusieurs périodes pendant 30 ans. Si on met en parallèle les analyses génétiques et thématiques dans une perspective chronologique, on se rend compte que ce qui évolue chez Voltaire, c'est le but des parties successives qui deviendront le précis. Alors, dans la période 1745-47, Voltaire, historiographe du roi qui prend son rôle au sérieux, commence son histoire de la guerre de succession d'Autriche par un tableau expliquant l'origine de la guerre. Mais au fur et à mesure, il s'appuie sur des récits de témoins oculaires des événements. On remarque dans cette partie du texte l'uniformité des chapitres entre le chapitre 5 et le chapitre 23. Ce sont des récits de guerre qui manquent forcément le recul historique qui permettrait d'analyser ces événements à la manière d'un historien. Quand Voltaire se voit refuser la publication de son ouvrage, il n'abandonne pas le projet, mais le réoriente en y ajoutant des chapitres qu'il caractérise comme philosophiques, les chapitres 24, 25, 27, 28, 29 et 30. Après avoir ajouté ces chapitres au siècle de Louis XIV, il explique à un correspondant, et je cite, « Je n'écris l'histoire qu'autant qu'elle peut être utile à la raison, et je néglige tous les faits qui ne sont bons que dans les gazettes. » D'ailleurs, il intègre ces tableaux historiques des premiers chapitres dans la même édition du siècle, en les étoffant, comme on l'a vu. En 1762 et 63, il commence à s'intéresser encore à l'histoire contemporaine, la guerre de 7 ans. Mais l'approche qu'il adopte est forcément plus générale, car il n'est plus en mesure d'avoir accès aux témoignages oculaires, comme c'était le cas pour la guerre de 1741. Il met l'accent donc sur les tableaux généraux, mais il décrit également des événements ou des individus importants qui pourraient intéresser le lecteur, tout en véhiculant un message philosophique. Le chapitre 34, qui porte sur les défaites françaises lors de cette première guerre mondiale, sert de plaidoyer, cette fois-ci sous forme historique, pour le militaire franco-irlandais Lally. L'histoire de la rédaction du précis reflète effectivement l'histoire des préoccupations voltairiennes. Il suffit de regarder les titres des chapitres ajoutés à l'édition de 1768. La première édition, d'ailleurs, a porté le titre de précis pour en être convaincu. Le chapitre sur la tentative d'assassinat du roi du Portugal et l'influence des jésuites dans celle-ci est surtout une opportunité de critiquer les ennemis de Voltaire. L'attentat de Damien sur le roi lui permet de critiquer les parlements, ce qu'il ferait de manière beaucoup plus approfondie dans son histoire du Parlement de Paris l'année suivante. Le chapitre sur la bulle de Clément XIII est encore une opportunité de critiquer la bulle in cona domini et par là l'influence des papes sur la puissance temporelle des rois, thème clé d'une série de ses écrits polémiques de cette période, la fin des années 1760. Le chapitre des lois, comme on l'a vu, n'est autre chose que les parties les plus importantes du commentaire sur le livre des délits et des peines, sur la réforme de la justice en France. Ce que l'on remarque, donc, c'est la convergence de plusieurs préoccupations dans une histoire de la France contemporaine. Au fur et à mesure des chapitres, cette histoire devient donc de plus en plus politique, pour ne pas dire polémique. Alors, juste pour terminer et en guise de conclusion, l'une des caractéristiques de l'autocitation soulignée par Nicholas Cronk, c'est qu'elle favorise une sorte de fluidité entre les textes. Et je cite, « Une telle fluidité des textes fait que le verbe voltairien finit par assumer une importance au-delà de son apparition dans une forme littéraire spécifique. Telle ou telle œuvre est finalement provisoire. La pensée, en revanche, reste la même. C'est une fragmentation au niveau de la forme qui ne fait que renforcer la cohérence du message voltairien. » Je crois que cette citation est très pertinente quand on le considère par rapport au précis et à son évolution. Ce que l'on remarque, surtout dans le précis, c'est la convergence, la confluence, voire l'enchevêtrement de l'histoire et de la polémique, tant dans les ouvrages historiques, à proprement parler, de l'époque, que dans ses autres écrits. Il semble que sa conception de l'histoire à cette époque comporte l'imbrication du réflexe historique dans son œuvre polémique et en parallèle, puisqu'il traite de l'histoire de plus en plus contemporaine, l'imbrication de la polémique dans son œuvre historique. Le précis est donc une histoire voltairienne, mais également un reflet de la réflexion de Voltaire sur la fonction de l'histoire. Merci.